cité du sud. Oh, ici c'est tranquille. J'ai compris c'est nos stress, nos stress, nos stress. Ici c'est le sud, c'est le sud. Si du sud tu comptes le soleil, si du sud tu squattes les calanques, si du sud tu supportes Marseille. Ici c'est pas l'ambiance qui nous manque, si du sud t'es bon à l'apéro. Si du sud dans le pétard y'a du split et tard, pas de secret, les meufs sont pas distraites. Au retard tu commets les gars, désolé j'ai mis une disquette. Jamais je laisserai tomber, j'ai pas envie de pleurer sur ma tombe. Je marche pas le temps se bomber, pourtant je t'envoie des sales séries de pompes. Si t'as parlé mal, sûrement tu t'es trompé. Si t'as parlé mal, on va te faire tomber. C'est là c'est pas mes honneurs qui viennent te faire trembler. Viens faire un tour dans le sud. Viens faire un tour dans le sud. Ici y'a pas que décalage mec, viens poser la plage avec un pack. On aime prendre un petit barbecue. Si tu veux sortir alors sors la bouteille de Sky. On est toujours OP pour faire la fête. Normal ici on a les plus belles femmes. En fait si t'as la plus grosse caisse, normal, beaucoup d'espèces. Normal, les plus gros pecs, alors ça pousse à la salle. Grosse caisse de location en direction la côte. On est les boss, pèse les bitches, crois qu'on a la côte. Regarde les gadgets qui matent, vas-y monte les rapports. On les attend au péage pour les mettre d'accord. Quand t'ouvres la porte, un gros nuage qui sort. Quand t'ouvres la porte, un gros nuage qui sort. Quand t'ouvres la porte, un gros nuage qui sort. On est star. J'étais du sud, tu taquines le ballon. J'étais du sud, t'es bon la pétanque. J'étais du sud, on en a toutes les saisons. Et oui, vous, c'est l'été qui vous manque. J'étais du sud, tu bois du pastis. J'étais du sud, on aime ton accent. On n'est jamais absent, ça rap sale, tu sens des rafales de vent. Quand on passe à fond, les radars sexy. Jamais je laisserai tomber, quitte à ramper. Vite de rentrer, chez vous, je suis juste à côté. J'vite de rentrer sur la terre après. Avoir fait quelques pas sur la lune, tu le sais. J'fais pas ça pour les thunes. De rester vrai sur ma plume. J'espère que l'album va marcher. Motivation dans le rap, c'est la passion, esprit. Viens faire un tour dans le sud. Viens, viens ici, viens. Viens faire un tour dans le sud. Ici y'a pas que des cramés mec, comme on dit chez nous ici c'est tranquille. Où qu'on est on se fait remarquer. Et ouais excusez-nous d'avoir la joie de vivre. Si t'es info on va t'écarter. Des fois les coups de feu dominent. Mais t'inquiète pas en général c'est bon délire. Région PACA, placard, plein de deux, oui tu passes par là. Tu repars avec le sourire. Y'a des plaques, des cochons, du crack, du bon son, guitare, de quoi se prendre la tête. Y'a des cartes qui font que tu gardes la pression. Tu claques pour rembourser tes dettes. Et au bar une bonne pression, départ de rire session. Ça parle un bon vider la tête. Du rap d'ambition sur track, décision de tout péter, on va le faire. J'étais du sud, tu mets des bikinis. J'étais du sud, t'aimes les grosses caisses. J'étais du sud, tu dis mais c'est qui lui. Si t'as capté le logo Mercedes. J'étais du sud, de sûr t'es jolie. J'étais du sud, t'adores faire la fête. Pas prendre la tête, les jaloux en laisse. Tu fais tes affaires, ici on se croirait à Miami. Oh, à Miami. C'est le sud, ici c'est le sud. Viens faire un tour chez nous. Viens faire un tour chez nous. Viens faire un tour dans le sud. Ici c'est tranquille. Ouais, oh, oh, hey.